Exercice 6, page 88. A. Je t'appelle un taxi. B. Il reste un morceau. C. Aide un peu ta mère. D. Tu nous payes un verre. E. Elle achète un chien. F. Elle traverse un chemin.